J'écrivais un stop. Je sais déjà que je vais m'arrêter et céder le passage aux usagers de la route prioritaire. Mais en regardant de plus près, je vois que je circule à sens unique, qu'il n'y a pas de rue sur ma gauche. Je peux en déduire que l'axe prioritaire vient de ma droite, tourne et va en face. Dernier détail, la rue en face est en sens unique, donc personne ne peut venir en face. Je dois donc céder le passage à droite seulement. Réponse B et C.